Kim Jong-nam, président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, a participé le 20 courant à la cérémonie de prise de fonction du président de la République de Guinée équatoriale qui a eu lieu à la salle de réunion internationale Sipopo à Malabo. Y ont pris part les chefs d'État et de gouvernement de divers pays, les hautes personnalités africaines, les hôtes d'honneur, les représentants diplomatiques dans ce pays, les vice-présidents, le premier ministre, les présidents des deux chambres du Parlement et parlementaires et autres personnalités équato-guinéennes. Kim Jong-nam a félicité le président Obiang Nguema Mubasogo et exprimé du soutien et de la solidarité invariable de notre peuple envers la cause du peuple équato-guinéen. Par ailleurs, Kim Jong-nam a été invité au banquet offert le 19 par le président équato-guinéen.